Je me moque du printemps et ne vis qu'à contre-temps. Je me laisse glisser dans le courant des amours brèves et pourtant. J'ai parfois la nostalgie d'un autre genre de vie, entre deux eaux calmes, lisses et ravies, je flotterai sans envie. Sans passion et sans amour, mais dès l'été de retour, je souris à celui qui à son tour reviendra troubler mes jours, mes nuits, mon calme et mes rêves, et sera m'aimer sans trêve. Et tant pis si l'étreinte paraît brève, le jour bien vite se lève. Mes amours d'une saison, je les quitte sans façon. Ça va, ça vient, il en reste un soupçon de plaisir, de déception. Il ne faut rien regretter, après l'hiver c'est l'été. Et aujourd'hui comme hier, je serai prête à tout recommencer.